بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى de nous avoir comblé en cette nuit du 22 Jumada de l'an 1443 de l'Hégire, qui correspond au 24 janvier 2022, de cette rencontre sur la radio de l'imam Malik de l'association Salafi des frères du Cameroun, des frères avec lesquels nous sommes unis par le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de son messager alayhi salatu salam, et la voix des pieux prédisseurs d'Allah alayhim. Qu'Allah nous a fermés sur cette voie jusqu'à la fin de notre vie, et qu'Allah récompense ceux qui sont à l'origine de ces rencontres. Ceci dit, frères en Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Donc la traduction approximative de ce verset avec lequel on ouvre cette assise, il est dit dans cette traduction approximative du sens du verset et dans Surat Al-Imran verset 103: Et cramponnez-vous tous ensemble à la corde menant vers Allah, et ne vous divisez pas. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis, et qu'il a uni vos cœurs, faisant de vous, de par son bienfait, des frères, alors que vous étiez au bord d'un gouffre. Alors que vous étiez au bord d'un gouffre de l'enfer, il vous en a sauvés. C'est ainsi qu'Allah vous expose clairement ses signes, afin que vous soyez bien guidés. La question que nous devons nous poser ici, et c'est une grande question: qu'est-ce qui a fait l'union de leur cœur, et comment l'union de leur cœur est arrivée, et comment ils se sont unis? Alors, comme on le sait, dans les annales de l'histoire, il y avait une guerre entre l'Aous et le Khazraj, ces deux tribus de Médine, qui a duré plus de 100 ans, presque 120 ans. Et ils ont été unis par quoi? Par le livre d'Allah et le messager, et la sunna de son messager, alayhi salam. Donc l'union ne peut être qu'avec et autour du livre d'Allah, et avec et autour de la sunna de son messager alayhi salatu salam. Abu Huraira radiyallahu anhu arda, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a agréé pour vous trois choses, et on déteste trois, et il a agréé de vous que vous l'adoriez, et que vous lui faites aucun associé, et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble menant vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne vous divisez pas, et que vous conseillez celui à qui Allah a confié vos affaires, c'est-à-dire que vous soyez digne du conseil pour vos gouverneurs. Et oulat omour chez les musulmans sont les gouverneurs et les hommes de science. Et donc, que vous soyez dignes de conseil pour ceux qui ont le pouvoir sur vous. Et ils détestent pour vous, les ont dit, l'excès de questions et le gaspillage de biens. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et Abu Shama, rahimahullah, dans son livre « Al-Ba'it ala Inkar al-Bida'a », son livre dont le titre on peut traduire ainsi: le blâme des bida', le livre d'Abu Shama, il a dit dans ce livre, concernant l'ordre de s'attacher à al-jama'a, c'est-à-dire à l'unité, son sens est l'attachement et le suivi de la vérité. Donc le sens de l'union, c'est le fait de s'attacher et de suivre la vérité. Et il dit, rahimahullah, même si ceux qui s'y attachent sont peu nombreux, et ceux qui s'y opposent sont nombreux. C'est la vérité et ce sur quoi était le premier groupe à l'époque du prophète alayhi salam. Et nous ne devons accorder aucune importance au grand nombre des adeptes du faux après eux. Donc on voit bien que les hommes de science, pour le jama'a, pour l'unité, pour eux, c'est la voie de la vérité. C'est la vérité. Et cette vérité, elle est dans quoi? Dans la voie sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons, radhiallahu alayhim. Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque déteste une chose chez son émir, c'est-à-dire chez son gouverneur, qu'il patiente, car celui qui sort de l'obéissance au gouverneur, ne serait-ce que d'un impôt, mourra d'une mort anti-islamique. Et dans une autre version, car personne ne quitte le jama'a, c'est-à-dire le groupe, même d'un seul impôt, ben il meurt une mort anti-islamique. Et cette deuxième version, elle est chez l'imam Bukhari, chez l'imam Muslim. Et donc, c'est quoi la mort anti-islamique? Pourquoi cette description? Parce que ceux de la période pré-islamique n'obéissaient à aucun gouverneur, ils ne voyaient pas de gouverneur. C'est d'où cette description de notre messager, alayhi salam, pour ne pas tomber dans la voie qui était la voix de ceux qui sont de la voix des gens de la période anti-islamique. Partant de là, les dignes savants de la communauté, ceux qui font prévaloir la voix des pieux prédécesseurs, wallah alayhim, sont d'avis que les musulmans ont besoin d'un groupe, dirigé par un gouverneur, qui les réunit. Il ne convient pas aux musulmans d'être divisés, chacun sur une voie, chacun sur un chemin indépendant. Leur voie doit être unique et leur chemin doit être unique. D'où le livre du noble cheikh, l'imam de la sunna, Cheikh Rabi', Jama'a wahida, la jama'at, wa siratun wahid, la sirata, la asharat. La traduction de son livre, Hafidhahullah, un seul groupe, et non pas des groupes, une seule voix, et non pas une dizaine de voix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. On peut se demander où est le chemin et la voie qui réunira les gens. Chacun a son avis, et chacun a ses orientations et sa direction. Leur raison n'est pas unique, ni même leur faculté, pour qu'ils s'unissent sur une seule voie. Il est impossible que les gens soient sur une seule voie, alors que leurs raisons et leurs facultés sont différentes, ainsi que leurs orientations. Chacun invente une chose différente, et chacun pense que sa position est correcte, et que les autres sont dans l'erreur. Alors comment l'union doit se faire? Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas confié les gens à leurs raisons, ni à leurs facultés, ni à leurs orientations, mais il leur a révélé un livre et leur a envoyé un prophète pour qu'ils cheminent sur sa voie, la voie du livre et de la sunna, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs, wallah alayhim. Les gens ne doivent pas s'appuyer sur leurs raisons, leurs pensées, leurs approbations ou ce qu'invente pour eux leur chef, leur tribu, leur clan ou leur peuple. Non et non. Allah n'a pas confié les gens à cela. Et si cela avait été le cas, ils se seraient divisés, combattus, tués et égarés. Mais Allah leur a révélé une guidée sur laquelle ils doivent cheminer. Ainsi, il est dicté dans le verset dans Surah Taha, verset 123 à 127. قال عز وجل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. Donc la traduction approximative nous dit ceci. Sortez, c'est-à-dire sortez du paradis, l'ordre qui a été donné à Adam et à Hawa. Sortez du paradis et descendez sur terre. Vous serez ennemis les uns des autres. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, celui qui le suivra ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Et celui qui se détourne de mon rappel mènera une vie pleine de gêne. Et au jour de la résurrection, nous l'amènerons au rassemblement aveugle. Et il dira, ô Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah dira, tout comme tu as oublié le signe qui te sont parvenus, aujourd'hui tu seras oublié. Ainsi, récompensons-nous celui qui transgresse et ne croit pas au signe de son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est plus dur et plus durable que celui de cette vie. Surah Taha, verset 123-125. Donc, frère en Allah, Azza wa Jalla et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, l'union se fait avec la révélation et rien d'autre que la révélation. La révélation, Allah a dit, le messager a dit, selon la voix et la compréhension de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim. Allah nous a donc pas confié à notre raison, ni à nos facultés, ni à nos orientations, ou aux facultés des autres et aux orientations des autres. Mais il nous a révélé un livre, et il nous a envoyé un sunnah, son messager, alayhi salatu salam, hein, auquel il a révélé la sunnah aussi. Et le verset nous dit, dans surat le bétail, « قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. » Donc la traduction approximative du sens du verset, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les autres chemins qui vont vous égarer du chemin d'Allah. Donc remarquez ici, il a dit voici mon chemin, et son chemin c'est quoi? Son chemin, sa source, le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu salam, et aussi la compréhension de le pieux prédécesseur d'Allah alayhi. Et il a appelé et il a désigné son chemin au singulier, alors que les autres chemins sont nombreux, il les a utilisés au pluriel, c'est-à-dire les chemins des passions et des shayatines sont nombreux. Et donc, ces légions reviennent au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salatu salam, selon la voix et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim, cela suscitera le rassemblement, comme cela fut le cas pour la première génération de cette communauté qui sont les nobles compagnons d'Allah alayhim. Ils étaient divisés, le monde entier était des plus divisés, surtout les Arabes. Mais lorsque Allah envoya son messager et révéla son livre à son messager, ils se réunirent sur cela et furent regroupés et unis. Le verset nous dit cela. قال عز وجل وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Et méditez aussi ce verset. Dans la traduction approximative nous dit ceci, le verset dans Sourate le butin, verset 62 à 63. Et s'ils veulent te tromper, alors Allah te suffira. C'est lui qui t'a soutenu par son secours, ainsi que par les croyants. Et il a uni leur cœur. Écoutez bien. Il a uni leur cœur. Si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Mais c'est Allah qui les a unis. car il est puissant et sage. Hein? Avec quoi il a uni leur cœur? Rien qu'avec le Coran et la Sunna, avec la révélation. Et donc, si on veut notre union, ben notre union doit être basée sur le livre et la Sunna, selon la voie et la compréhension du pur prédicateur d'Allah alayhim. Donc on ne peut pas unir les cœurs et rassembler les gens que par le Coran et la Sunna et la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Sans cela, il n'est pas possible qu'ils se rassemblent. Il n'est pas possible qu'ils se rassemblent si eux-mêmes, ils se font des voies. Il est impossible qu'ils se rassemblent. Les gens ne peuvent être réunis que par le Coran et la Sunna et le suivi de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. C'est cela la voie authentique. C'est cela la voie authentique du rassemblement. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré de nous. Qala azza wa jal. Méditez ces groupes qui existent. Tablir, les Ikhwan, les Sorori, les Qutbi, les Haddadi, les Moussafiq d'aujourd'hui, les Moufarraq d'aujourd'hui, les diviseurs. Sont-ils sur une seule voie? Non, par Allah. Car chaque groupe a opté pour des principes spécifiques à lui, ou des principes que le leader leur a choisi, leur a dicté, leur a imposé. Alors que le verset nous dit ceci, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmantu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islam adina. » Donc la traduction approximative du sens du verset, dans Sourate la Table, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai comblé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Donc la religion est achevée et la religion qui a été achevée, c'est celle sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons. D'où la nécessité pour nous de prendre le livre, la sunna, selon la voie et la compréhension de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Le messager, si nous voulons l'union et nous ne voulons pas être divisés, le messager d'Allah a dit, Allah agrée pour vous trois choses et on déteste trois. Il agrée de vous que vous l'adoriez sans lui faire aucun associé, que vous vous cramponniez tous ensemble au câble menant vers Allah et que vous ne divisez pas et que vous ne soyez pas divisés. Et que vous conseillez celui à qui Allah il a donné le pouvoir sur vous. Ce sont là trois choses, disent les savants, qui réunissent les gens. La première des choses, l'unicité, tawhid, la croyance authentique, en accord avec le livre et la sunna, et selon la voie et la compréhension des pieux, radhwanullahi alayhim. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le sens de cette parole, la ilaha illallah, sa signification, son sens et ses implications, c'est ce qui réunit les gens. Une croyance authentique, c'est celle qui réunit les gens. Mais s'ils ont des croyances diverses, ils se diviseront. Donc la première source de l'union, et de ne pas être divisé, et donc la croyance qui doit être unique, et qui est la croyance du Coran et de la Sunna, avec la compréhension du pieux prédicateur d'Allah alayhim. Autrement dit, la croyance de Muhammad alayhi salatu wassalam, et la croyance de ses nobles compagnons et de ceux qui les ont suivis à la perfection. Le deuxième point pour être unis, pour ne pas se diviser, la source vers laquelle nous devons revenir, lorsqu'il y a un litige, lorsqu'il y a des disputes, lorsqu'il y a des divergences, comme cela est mentionné dans la parole du messager alayhi salatu wassalam, que vous vous cramponnez tous au câble menant vers Allah, et ne vous divisez pas. Et le câble menant vers Allah, c'est le Coran, et la sunna du messager alayhi salatu wassalam. قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. La traduction approximative du sens de ce verset dans sourate les femmes verset 59, Puis, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le, le jugement, renvoyez son jugement à Allah et au messager. C'est-à-dire, on le renvoie au livre d'Allah et au messager quand il était vivant. Mais sinon, après sa mort, à sa sunna, bien sûr. Mais tout ceci, selon la voie et la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Ce qui tranche, frère Allah azza wa jal, ce qui tranche les différents, et le retour vers le livre et la sunna, selon la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. Quant au fait de revenir vers les voies des gens, vers les voies des hommes, cela divise les gens. Le retour vers le livre et la sunna, selon la voie du pieux prédécesseur d'Allah alayhim, règle les différends entre les gens. Car c'est une révélation émanant du Seigneur qui a tout fait à la perfection, subhanahu wa ta'ala. Il est digne de louange, subhanahu wa ta'ala. Donc sa révélation, c'est elle qui va régler les différends. C'est elle qui contentera tout le monde. Hein? Car il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le jugement d'Allah, il est équitable, il est juste. Et il est la voie droite. Donc le troisième point, pour ne pas se diviser et pour être unis, parmi les instruments du rassemblement, le commandement, les gouverneurs et les savants, l'Umara, dans lequel il y a les gouverneurs et les savants. Et il est de notre devoir de le obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour ne pas sortir, pour ne pas se diviser et pour ne pas créer l'anarchie, il nous est demandé, il nous est obligatoire d'obéir à ceux qui nous gouvernent dans l'obéissance à Allah. Quand ils nous ordonnent un bien, on leur obéit. Quand ils ordonnent des désobéissances à Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, fait partie et nous devons être dignes du conseil pour nos gouverneurs. Le fait et fait partie du conseil du gouverneur, c'est de lui obéir dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas s'opposer à lui et ne pas divulguer et montrer ses erreurs afin qu'ils soient aux gens, afin qu'ils s'en écartent. Et le conseiller ceci en privé et pas en public. Et d'être parmi ceux qui sont dignes et qui sont capables de le conseiller de la meilleure des façons. Et aussi parmi les conseils du gouverneur, c'est le fait, ceux parmi les gouvernés à qui il a confié des tâches, qu'ils les accomplissent comme il se doit. Ils doivent s'en acquitter comme il leur a été demandé. Ils doivent accomplir les fonctions comme il se doit, afin de réaliser les bienfaits de la communauté. Il fait également partie du conseil à adresser au gouverneur le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa rectitude, pour son succès, pour sa justice. Hein, c'est-à-dire demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit juste, qu'il soit dans la voie droite, que Allah subhanahu wa ta'ala l'éclaire sur la vérité et l'éloigne du faux et du blâmable. Et tout cela fait partie du conseil adressé au gouverneur. Et c'est la voix de nos pieux prédécesseurs, wallah alayhim. Quant à celui qui désobéit au gouverneur dans le convenable et dans le bien, il s'oppose au gouverneur ou parle sur lui devant les gens pour qu'il le déteste et attiser la rancœur des gens envers le gouverneur, cela est une trahison envers le gouverneur. De même, celui qui voit une erreur et ne la rapporte pas, il voit une erreur chez les représentants du gouverneur, il ne la rapporte pas au gouverneur. Celui qui voit des transgressions, des infractions chez les gens, il ne le rapporte pas au gouverneur. C'est une trahison. Ils doivent être rapportés au gouverneur et à ceux qui le présentent, c'est ceux qui le représentent, afin qu'ils les cernent avant que ça ne s'aggrave. Et c'est là le conseil prodigué à ceux qui ont le pouvoir sur nous. Et tous, nous avons remarqué le chaos qu'a causé la révolte contre les gouverneurs et le désastre subi par là certains pays de la communauté musulmane à travers ce que l'Occident a appelé le printemps arabe. C'est plutôt le printemps du sang arabe, oui. Donc, c'est par ces trois choses que se réalise le rassemblement, la croyance authentique, le retour vers le livre et la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédisseurs d'Allah alim au moment de la divergence. L'obéissance au gouverneur dans l'obéissance à Allah et le conseil qu'on lui adresse et l'obligation de le conseiller. Ces choses amènent le rassemblement. Et si une seule de ces choses manque, cela provoque la division, la divergence, l'anarchie et la dispute et la communauté se fractionne. Et ceci est un principe important. Les musulmans doivent se rassembler, doivent être unis. Et il ne peut y avoir de rassemblement et d'union que sur le livre d'Allah et autour du livre d'Allah et de la sunna du prophète alayhi salam. Et avec une croyance authentique, la croyance qu'avait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses nobles compagnons, et avec l'obéissance au gouverneur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que se réalise et que se réalise, c'est ainsi que s'est réalisé les bienfaits de cette communauté. Et c'est ainsi, si nous voulons réaliser les bienfaits de cette communauté, c'est ainsi que nous devons être et c'est ainsi que nous devons agir. Donc l'union est un fondement chez les pieux prédisseurs d'Allah alim, est un grand principe. Et la division est rejetée par salaf, rejetée par notre religion et rejetée par nos pieux prédécesseurs d'Allah alim. Pourquoi? Très simple. La parole d'Allah qui nous dit إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. La traduction approximative du sens de ce verset dans Sourate le Bétail, verset 159. Ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en parties et en sectes, tu n'as pas à répondre d'eux. Ibn Kathir, rahimahullah, dans son exégète, dit le sens apparent et que ce verset s'applique à toute personne se séparant de la religion d'Allah et s'y opposant. Allah a envoyé son prophète avec la guidée et la religion de vérité afin qu'il prédomine sur toute autre religion et sa législation est unique et ne comporte aucune divergence ou division. Fin de citation. Wa qala azza wa jal wa la takunu min al mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun. Donc la traduction approximative du verset dans sourate les croyants, verset 53, ne faites pas partie des polythéistes parmi ceux qui ont divisé leur religion, ils sont devenus des sectes, chaque parti se réjouissant de ce qu'il détient. Donc la division est un des principes des polythéistes. Donc nous devons nous en éloigner. Ibn Kathir, rahimahullah, dans l'interprétation qu'il a fait du Coran, il a dit, les membres de cette communauté ont également divergé entre eux, ont des groupes, tous égarés sauf un. Ils sont, qui est ce groupe? Il a dit, ils sont Ahl-Sunna wal-Jama'a, les gens de l'unité et qui sont unanimes sur la Sunna et qui sont unis par la Sunna. Ceux qui s'attachent, il a dit, rahmatullah alayhi, ceux qui s'attachent au livre d'Allah, à la sunna de son messager, et ceux sur quoi étaient les premiers de cette communauté parmi les compagnons, leurs successeurs et les imams des musulmans passés et contemporains. Al-Hakim, rahimahullah, rapporte dans le Mustadrak, quand on a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du jama'a, à propos du groupe sauvé, il répondait, alayhi salatu wa sallam, ceux qui sont sur la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Hein? Fin de citation des paroles de Ibn Kathir. Donc on voit bien que la voie de l'union, la voie pour être sauvé dans ce bas monde des innovations et pour être sauvé devant Allah Azza wa Jal, c'est la voie sur laquelle était Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Le livre et la sunna, selon la voie et la compréhension de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Et dans le hadith du Harith al-Ash'ari, radiyallahu anhu arzah, le messager d'Allah a dit, je vous ordonne 5 choses qu'Allah m'a ordonnées. L'écoute, l'obéissance, c'est-à-dire l'écoute et l'obéissance à ceux qui nous gouvernent. Et bien sûr, cette écoute et cette obéissance Hein? Et donc, l'obéissance à Allah, le jihad, et le jihad, pas ce que faisait Daesh, etc. Abadan, ceci n'est pas le jihad, ceci c'est un mal sur terre. Mais le jihad, c'est un combat sur le santé de Allah subhanahu wa ta'ala, qui se fait derrière le drapeau d'un gouverneur, et non pas derrière des bondes et des mercenaires de n'importe quoi, et des mercenaires du mal. Abadan. Donc, l'écoute, l'obéissance dans le bien, le jihad, l'immigration, il jama'a l'union. Car celui qui se sépare du groupe, celui qui se sépare du groupe uni des musulmans, ne serait-ce que d'un empon, a défait le nœud de l'islam noué à son cou. Sauf s'il revient sur cela. Et celui qui lance un appel de l'époque anti-islamique fait partie des habitants de l'enfer. Un nom dit, ô messager d'Allah, même s'il prie jeûne, il répond, même s'il prie et jeûne. Appelez donc à la voix d'Allah qui vous a nommé musulman, croyant, serviteur d'Allah. Le hadith, il est dans Sahih Jami' du Sheikh Nasr Din Al-Albani rahmatullah alayh. Ce hadith n'est pas en contradiction aussi avec le fait de se distinguer par le terme salafi après l'existence de toutes ces tendances tordues. Abadan. Et c'est une affiliation qui est louable, car la voie des salafs n'est que la vérité, c'est le suivi du livre et de la sunna selon la voie et la compréhension du pur prédicateur d'Allah alayhim. Et sachez que lorsque, et vous le savez tous, que lorsque la terre s'est emplie de ténèbres, que la plupart de ses habitants se sont éloignés de la lumière de la révélation, se sont divisés en sectes et ont parti dans le faux. Et ils ont perdu la lumière de la prophétie. Et ils sont revenus à la raison. Et ils furent alors, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le rapporte de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un hadith Qudsi, qui est rapporté par l'imam Muslim, où le messager a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai créé mes serviteurs sur la voie droite. Mais les démons sont venus à eux et les ont éloignés de leur religion, en leur interdisant ce que je leur avais permis, et en leur ordonnant de m'associer ce sur quoi je n'ai révélé aucune preuve. Allah observa les habitants de la terre et les détesta, arabes et non arabes, sauf un groupe des gens du livre. Donc on voit bien, ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a détesté tous les adeptes de la raison, sauf un petit groupe qui s'est attaché à la révélation. Et lorsque les gens ont perdu la lumière de la prophétie et la lumière de la révélation, leur raison les a orientés vers quoi? Vers le fait d'adorer des statues, d'adorer les croix, d'adorer le feu, d'adorer les étoiles, d'adorer les vaches, d'adorer le soleil, la lune. La raison ne leur a apporté que des confusions, ne leur a apporté que le doute, la sorcellerie, la négation du Créateur, et il leur a apporté la mécréance. Et ils n'ont obéi, et ils ont subi le dégoût de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, s'est détourné d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a levé au milieu de ces ténèbres la lumière de la révélation comme un flambeau éclatant. Et il en a fait don aux habitants de la terre avec l'envoi de Muhammad alayhi salam. Et cette révélation est un bienfait pour lequel l'humanité ne peut pas être suffisamment reconnaissante. L'humanité a vu, avec la lumière de la révélation, ce que leur raison ne leur a jamais permis de voir. Et ils ont vu à la lumière de la révélation ce que leurs avis ne leur ont jamais permis de voir. Ils furent comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits دون القرآن قال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. Donc, la traduction approximative du sens du verset, Allah est l'allié de ceux qui ont la foi et les fait sortir des ténèbres vers la lumière, subhanahu wa ta'ala. Donc, tous ces groupes qui pataugent dans la politique ou les sectes qui pataugent dans le politisme et les groupes qui pataugent dans la politique, dans le social, dans les bains de sang comme les Dawa'ish et autres, s'ils veulent leur salut et le salut de la communauté, ils veulent sortir la communauté des ténèbres, ils doivent revenir vers la révélation d'Allah, vers le livre d'Allah et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et donc, la législation de l'islam a donc cheminé les gens sur, dans la clarté, et les a cheminés vers la lumière. Et cette lumière sur laquelle étaient les nobles compagnons, les premières générations de l'islam, n'a pas été éteinte par les tempêtes des passions, ni masquée par les ténèbres des avis. Et ces nobles compagnons ont recommandé à leurs successeurs de ne pas s'éloigner de la lumière qu'ils leur avaient transmise, et de ne pas quitter leur voie à la fin de leur époque. Les adeptes à la fin de l'époque des nobles compagnons radhiyallahu anhum, les adeptes de l'innovation, le Khawarij ainsi que le Qadariya et le Murji'a et d'autres sont apparus et se sont éloignés de la lumière sur laquelle était cette première génération de l'islam. Et les salaf radhiyallahu anhum ainsi que les pieux prédécesseurs radhiyallahu anhum parmi les compagnons faisaient le rappel à ces innovateurs et à ceux qui sont divergés avec la voie et les conseillers et comptent ces adeptes du faux s'obstinaient et les désavouaient et ils se désavouaient d'eux et ils étaient radhiyallahu anhum d'avis qu'il ne fallait pas les saluer ni s'asseoir avec eux, hein, et leurs propos à ce niveau sont connus dans les livres de la sunna. Ils sont trop nombreux pour les mentionner ici, mais il faut savoir une chose importante, les paroles des salafs, il est mis en quarantaine, et les paroles de ces salafs qui avertissent contre les divergents s'accomplissent seulement sur les obstinés et les leaders. Les novices, on doit les conseiller, les reconseiller, et quand ils s'obstinent à ce moment-là, ils sont comme eux. Mais on ne doit pas tout de suite les rejeter et les mettre à la quarantaine. Ceux qui sont mis à la quarantaine, ce sont les obstinés et les leaders. Allah subhanahu wa ta'ala, en tout lieu et tout temps, a fermé des gens en mettant leur cœur qui était plus solide qu'un rocher, en leur donnant des cœurs qui sont solides et robustes. Et il les met au service de cette religion. Et ils ont fait des imams par lesquels se dirigent les croyants après qu'ils aient patienté et leur pleine certitude on les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et on la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. Car c'est par la patience et la certitude qu'on atteint l'imamat dans la religion. Qala azza wa jal wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. La traduction approximative du sens de ce verset, dans Surat la prosternation, verset 24, nous avons élu parmi eux des imams qui guidaient par notre ordre, aussi longtemps qu'ils ont duré et croyaient fermement en nos versets. Donc, ils ont, ces grands imams, ils ont patienté sur les torts douloureux que leur ont causé ceux qui sont en divergence avec le livre et la sunna et la voix des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et nous avons des modèles concrets, concrets devant nous à notre époque. Méditez la situation de ce grand imam de notre époque, l'imam Rabi'u Sunna, et le combat qu'il a amené durant ces longues années contre les Qutbi, contre l'établir, contre les Sorori, contre les Haddadi, contre les Moussa'fiqa et les diviseurs d'Alger, regardez et regardez comment l'État saoudien et d'autres États ont décrété que les Khawan, les traîtres musulmans, sont un groupe terroriste, ainsi que l'établir les Qutbi et les Sorori. Et le combat, et qu'on médite le combat qu'a amené ce grand imam, et aussi le combat qu'a amené Cheikh Ubaid, Hafidhahullah Ta'ala, ainsi que l'imam Al-Fawzan, ainsi que Cheikh Al-Luhaydan, ainsi que Cheikh Ibn Baz, ainsi que l'imam Al-Albani, l'imam Al-Utaymin, l'imam Ibn Baz et d'autres. Ils sont nombreux, et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont nombreux à faire prévaloir la voix du peuple et des sœurs d'Allah alayhim, et aussi à orienter la communauté et à ordonner à la communauté au fait de ne pas se diviser et s'unir sur le vrai. Et parmi les points essentiels à retenir, hein, donc cela est dit par, et cela est la voix des nobles hommes de science, dignes de cette voix. Ah, comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans Sawa'iq, il a dit l'essentiel est que tout fléau frappant le monde en général ou en particulier vient de l'opposition entre la révélation et la raison. Et la priorité donnée aux patients sur l'ordre divin. Et seul celui qu'Allah préserve est épargné. Voyez, la raison doit être soumise à la révélation d'Allah pour être un outil bénéfique à la communauté. Donc, ce principe qui interdit la division et qui ordonne et qui recommande l'union, donc ce principe qui interdit la division, il englobe aussi le principe du rassemblement, et que, car la législation musulmane ne peut exister que par le rassemblement et l'union entre les musulmans. Cette règle et ces principes montrent que l'isolement et la séparation vis-à-vis du groupe des musulmans amènent le mal et œuvrent une brèche dans l'union des musulmans. Le musulman ne doit pas s'isoler dans un avis et dans une voie. La abadan. Donc la priorité doit être donnée à la vie qui est conforme au livre et à la sunna, selon la voie et la compréhension des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Car si chacun avait la liberté de choisir et d'explorer et d'afficher de nouveaux avis et de nouveaux principes et d'inventer des principes, cela divisera encore plus la communauté et l'affaiblira. Et il est demandé à chacun parmi nous, donc, il nous est demandé, comme il est demandé, et avant cela, il faut écouter ces conseils, ces orientations que Cheikh Rabi' ne cesse de prodiguer à la communauté, à la jeunesse musulmane. Et parmi ses nobles conseils, celui-là qu'il ne cesse de répéter, c'est le fait, il dit, Alhamdulillah, délaisser tout ce qui va vous diviser, et délaisser tout ce qui crée les divergences entre vous. Délaisser tout ce qui va diviser les gens de la sunna, et tout ce qui va les mettre en divergence. Et c'est le conseil de ce grand imam de notre époque. Et ce conseil, il incombe aux étudiants, aux prêcheurs, aux salafis, d'être conscients de cette règle, la règle de l'union. La règle de l'union sur la vérité. Et d'avoir souvent devant nous cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonne l'union et qui nous interdit la division, et d'avoir toujours en face de nous les avertissements contre la division et d'avoir les paroles de nos nobles hommes de science qui nous irions vers l'union. Hein? Donc, tout ce qui conduit à la division et à la divergence avec la voie du salaf est blâmable, sans aucun doute. Ne devons pas être la cause de la division de la communauté salafie par nos avis et positions marginaux. Et ne devons pas nous faire avoir par les diviseurs de la communauté, ceux qui divisent la communauté au nom de la sunna, comme ce qui se passe actuellement avec le Moussafiqa et comme ce qui se passe avec les diviseurs d'Alger. Nous devons être conscients et rester avec le grand homme de science, car le grand homme de science, ce qu'ils ont décrété, ce qu'ils ont analysé de la situation et le jugement qu'ils ont donné, c'est un jugement qui émane du livre et de la sunna et de la voix du pieux prédécesseur d'Allah alim. Nous devons faire très attention et de ne pas ouvrir nos cœurs et nos oreilles à n'importe qui. Hein? Et nous devons être comme le verset avec lequel j'ai débuté cette parole, où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, et cramponnez-vous tous ensemble au câble menant vers Allah et ne vous divisez pas. La division en partie n'est pas permise. Et il est dit dans l'autre verset, c'était au début, dans la traduction approximative nous dit ceci, ne vous divisez pas. Et l'autre verset nous dit ceci, ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, tu n'as pas à répondre d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de s'innocenter d'eux et de lui désavouer et désavouer tout ce qui se divise. Et combien de fois vous entendez vos imams dans les sermons dire la protection d'Allah est sur le groupe et celui qui s'en écarte s'écarte vers l'enfer. Yadullahi ma'al jama'a wa man shadda shadda fi an-nar. Et le verset qui nous dit, ceux qui ont divisé leur religion, ils sont devenus des sectes, chaque parti réjouit de ce qu'il détient. Donc, la calamité réside dans le fait que chacun se réjouit de ce sur quoi il est, car il se réjouit de son éloignement. C'est une calamité de se réjouir de son éloignement du livre et de la sunna et de la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et ce genre de personne ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il croit que ça c'est la vérité. Quand on arrive à ce point-là, il croit que le faux sur lequel on est c'est la vérité. Dans ces cas-là, il y a peu d'espoir que la personne revienne. Hein? Alors que celui qui divise ou qui se retrouve dans une secte qui a dévié et qu'il doute sur la voie sur laquelle il est, son retour est possible. Son retour, en discutant avec, et en lui argumentant, en lui montrant la vérité, hâda son retour. Il est possible, comme les novices, le retour est possible, mais les leaders et ceux qui sont convaincus qu'ils sont sur la vérité, cela il est très difficile qu'ils reviennent vers la voie, car ils croient que la voie fausse sur laquelle ils sont, c'est la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit dans la traduction? Chaque parti se réjouissant de ce qu'il détenait. Donc quand on arrive à ce stade-là, la situation est très grave. Et ceux-là qui sont contents et qui se réjouissent de ce qu'ils détiennent, hein, par Allah, quel bien on peut espérer d'eux? Est-ce qu'on peut espérer un rassemblement avec eux? Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et nous allons arrêter là, inshallah. Wa subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim. Wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Wa ahsallahu ilaykum. وجزاكم الله خيرا.